إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 14 dans l'explication du livre شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب. Donc, on est en train de lire l'explication de la aqida de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le sharh, c'est le sharh de Sheikh Saleh Al-Fawzan. Donc, on a expliqué dans les cours passés, on a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec Al-Shafa'a, l'intercession. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'un autre point, qu'est-ce qui a rapport avec le paradis et l'enfer. Et probablement d'autres questions aussi. Donc, le Sheikh, il dit, الإمام محمد بن عبد الوهاب يزيد عن عقيدة وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان. C'est-à-dire que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, et je crois que le paradis et l'enfer sont créés et que ils sont présents aujourd'hui, ils existent aujourd'hui, et que ils ne vont pas cesser d'exister, ils vont continuer à exister pour l'éternité. Le cheikh explique, il dit مِمَّا يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ الْجَنَّةُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ وَالنَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ داران لا بد من ورودهما وهما الداران الباقيتان دار القرار إن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار ليس فيها ارتحال ولا انتقال بل أهلها يستقرون فيها أبد الآباد فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدت للمتقين وأهل النار يكونون إلى النار التي أعدت للكافرين والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها هنا. نعم. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان وقال تعالى وكل في كل منهما أعدت أي خلقت وهيئت فهما مخلوقتان من جملة الخلق. والمسألة الثانية أنهما موجودتان قال رحمه الله وأنهما اليوم موجودتان ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة أما الآن ليس هناك جنة ونار وهذا باطل فإنهما الآن موجودتان. Le Cheikh explique que parmi les choses qui ont rapport avec la foi au jour de la résurrection, il y a le paradis et l'enfer. Le paradis que Allah SWT a préparé pour les hommes pieux, pour les hommes et les femmes qui sont parmi les muttaqin, et l'enfer pour ceux qui a été préparé pour les kafirin, pour les mécréants. Et ce sont deux demeures qui vont être les destinations, soit pour les mu'minin le paradis, soit pour les kafirin l'enfer, et c'est obligatoire de terminer dans un de ces deux-là. Ok. C'est-à-dire donc que ces deux demeures qui vont être éternelles par la suite, et on les appelle, et on l'appelle également Darul Qarar. L'au-delà, on l'appelle Darul Qarar, c'est-à-dire la demeure de la stabilité. Okay? Et il mentionne le verset 39 dans Surat Ghafir à ce sujet-là. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Le Qarar, ça veut dire qu'est-ce qui est établi, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est stable. ليس فيها ارتحال ولا انتقال. Il y a pas de déplacement, il y a pas de changement. On va pas changer de place une fois qu'on est établi dans un des deux. C'est-à-dire ceux qui ont été parmi les croyants, ils vont être dans le paradis puis ils vont pas sortir. Puis ceux qui sont parmi les koufars, ils vont aller dans l'enfer puis ils vont pas sortir. C'est-à-dire ils vont rester là où ils sont. Donc ils vont rester là où ils sont pour toujours. Les gens de la foi dans le paradis pour l'éternité et les gens de l'enfer, les gens de la mécréance, ils vont être dans l'enfer pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport à qu'est-ce qui est dit dans ce passage au sujet de la foi en le paradis et l'enfer, il y a trois questions qui sont mentionnées. La première question, c'est que les deux sont créés actuellement. C'est-à-dire les deux sont des créatures d'Allah qui ont été créées et préparées et qui sont donc parmi les créatures d'Allah. Et le cheikh il mentionne que Allah a dit au sujet des deux, du paradis et de l'enfer, il a dit à leur sujet « U'iddat ». U'iddat, ça veut dire qui a été préparé, okay, qui a été créé et préparé, et donc que ce sont des créatures d'Allah. Et le deuxième point, c'est la question au sujet du fait que ce sont deux créatures qui existent actuellement, qui sont créées et qui existent présentement. Ok, donc ça c'est dans la deuxième phrase du cheikh quand il dit wa annahum al-yawm mawjudatan, c'est-à-dire elles existent actuellement les deux. Et ça c'est pour répondre à ceux qui disent que ils vont seulement être créés ou ils vont seulement exister au jour de la résurrection et qu'aujourd'hui il n'y a pas de paradis ou d'enfer. Et ça c'est faux parce qu'ils existent actuellement et il y a des preuves à ce sujet-là. Et le cheikh il mentionne quelques preuves. La première preuve qu'il mentionne, il dit ودليل ذلك أولا أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين فقوله أعدت هذا فعل ماضي يدل على أنهما قد خلقتا ولم يقل تخلق أو تعد بل قال أعدت هذه حكاية للماضي. Première preuve, c'est que Allah il dit à propos du paradis à propos du paradis dans sourate Al-Imran verset 133, il dit U'iddat lil muttaqin, qui a été préparé pour les hommes pieux ou pour les femmes pieuses, hein. Et dans le verset 24 dans sourate Al-Baqara, Allah il dit à propos de l'enfer U'iddat lil kafirin, préparé pour les mécréants. U'iddat, le cheikh dit que c'est un verbe qui est utilisé au passé. Ça prouve qu'ils ont déjà été créés tous les deux. Et il n'a pas dit qui sera créé ou qui va être créé. Non, il a dit qu'il a été préparé. Donc ça c'est pour dire que c'est dans le passé, donc ça a déjà été fait. Deuxièmement, ثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو شدة البرد أنه من جهنم وجهنم لها نفسان وجهنم لها نفسان نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد فدل على أنهما موجودتان وأن هذا الحر وهذا البرد من النار والعياذ بالله. الشيخ الزي le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme deuxième preuve, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que qu'est-ce qui nous frappe quand il y a un froid très dur, une chaleur très intense et un froid très dur, ça c'est à cause de l'enfer en fait. Parce que l'enfer, elle a deux souffles. Il y a un souffle l'été puis un souffle l'hiver. Le cheikh il dit que le souffle de l'enfer, le souffle de l'enfer qui vient en été, ça c'est ça qui cause la chaleur intense l'été. Et la chaleur intense qui vient, le souffle de l'enfer qui vient durant l'hiver, c'est ça qui cause le froid intense. Donc il y a des gens qui pensent que l'enfer c'est seulement la chaleur intense, mais il y a aussi le froid intense aussi dans l'enfer, ok, qui brûle la peau. Non. Donc le cheikh dit فدل على أنهما موجودتان, et ça c'est la preuve que il y a ces deux créatures là qui existent déjà et que cette chaleur et ce froid vient de l'enfer, wal'ayyadu billah, que Allah nous en protège. Et parmi les égarements aussi de Maurice Bucaille aussi dans son livre l'Islam, le Coran et la science, il a dans la partie où il a parlé des hadiths, il a rejeté, il a nié beaucoup de hadiths authentiques, soi-disant en se basant sur sa compréhension à lui, et il rejette des hadiths authentiques. Et parmi les hadiths qu'il rejette, il y a ce hadith-là qu'il rejette, qui parle du souffle de l'enfer, en été et en hiver. Il rejette le hadith en disant que ça c'est pas scientifique. Donc bien entendu, on n'a pas le droit de rejeter des hadiths comme ça en disant que c'est pas scientifique, quand les hadiths sont authentiques. Ensuite, le cheikh il dit ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبه يعني شيئا فقط. قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار حتى الآن أو الآن حتى انتهى إلى قرعها. نعم، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قرعها، فهذا دليل على أن النار موجودة. Donc, troisièmement, le cheikh il dit que les sahaba, ils étaient assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont entendu un bruit, quelque chose qui tombe. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Alors, ils ont dit, Allah et son messager, c'est mieux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ça c'est une pierre qu'on avait lancée dans l'enfer. Et ça fait depuis 70 printemps qu'elle tombe, et qu'elle est tombée dans l'enfer, et c'est maintenant qu'elle a touché le fond. Et c'est maintenant qu'elle a touché le fond, et c'est ça le bruit que vous avez entendu. Donc ça c'est rapporté par Muslim, et c'est rapporté selon Abi Huraira, et c'est un hadith authentique. 70 printemps, ça veut dire 70 années, oui, 70 années. Donc c'est pour montrer la profondeur de l'enfer. Ensuite, le cheikh dit, فهذا دليل على أن النار موجودة. Ça c'est la preuve que l'enfer existe déjà. Quatrième preuve, le cheikh dit, Allah سبحانه وتعالى, ou Allah جل وعلا, ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من سمومها وحرها. من سمومها وحرها، فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. الشيخ يذكر كم كثيرة بروف que le mort lorsqu'il est mis dans sa tombe, on lui ouvre une porte vers le paradis et il ressent de l'odeur et de son parfum hein, et de l'air du vent du paradis. Et le mécréant et l'hypocrite, on leur ouvre une porte vers l'enfer, donc une porte vers l'enfer, et ils sentent de sa fumée et de sa chaleur qui rentre dans leur tombe. Donc ça c'est la preuve que ces deux créatures-là existent actuellement et qu'elles sont déjà créées. المسألة الثالثة أنهما لا إثنيان ولا يبيدان أبدا أبد الآباد. النار تبقى وأهلها يبقون والجنة تبقى وأهلها يبقون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقون فيها إلى ما لا نهاية. وفي هذا رد على الذين يقولون أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لا لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء. فنقول لهما هناك فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، فبقاء الخالق ذاتي، أما بقاء المخلوق فهو ببقاء الله جل وعلا، ولو فرق بقاء فهو ببقاء الله جل وعلا له جل وعلا له، ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد. نعم. Donc le cheikh il dit comme troisième point, c'est que l'enfer et le paradis, tous les deux, ils vont rester jusqu'à la fin des, yani ils vont rester pour toujours en fait. C'est-à-dire ils vont rester par la suite pour toujours, du moment que les gens du paradis vont rentrer dedans, dans le paradis, et les gens de l'enfer vont rentrer dans l'enfer, les croyants vont entrer au paradis, les mécréants vont entrer en enfer. Après ça, ils vont rester pour toujours. Alors ça veut dire que yani, il va pas y avoir une fin. C'est-à-dire que ça va rester pour toujours. Pourquoi le cheikh il dit ça? Parce qu'il dit ça, c'est pour réfuter certains qui prétendent que le paradis et l'enfer, ils vont finir un jour. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que ça va arrêter à un moment donné, l'enfer va disparaître, ou bien le paradis va disparaître. Et qu'il y a uniquement Allah qui va rester. Pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils pensent qu'il y a un problème du fait de dire ça, que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont rester avec Allah subhanahu wa ta'ala éternellement. Et ça, c'est une fausse pensée. Le cheikh dit pourquoi? Parce que même si le paradis et l'enfer vont rester pour toujours après, il y a une différence entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala reste pour l'éternité toujours et que le paradis et l'enfer restent pour toujours. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. Et le paradis et l'enfer, ce sont des créatures. Donc, même s'ils restent, tu ne peux pas les comparer. Parce que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala reste pour l'éternité, c'est parce qu'il est éternel en lui-même. Tandis que le paradis et l'enfer ne sont pas éternels en eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent pas exister, excepté parce que, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils restent uniquement tant que Allah subhanahu wa ta'ala les fait rester. Et donc, c'est pour ça que le fait de dire qu'ils restent éternellement, c'est pas, ça implique rien d'incorrect, contrairement à ce que ces gens-là peuvent imaginer. Le cheikh il dit donc que donc ça va toujours rester le paradis, l'enfer, une fois qu'on rentre à l'intérieur, ça y est, il n'y aura pas un des deux qui va cesser. Parce qu'il y a des gens qui disent, ok, le paradis va rester, mais l'enfer va disparaître par la suite. Et le cheikh il dit ça, c'est aussi c'est une parole qui est fausse, et c'est incorrect. Tu vois? Et le cheikh il dit وَالصَّوَابْ أَنَّهُمَا بَقِيَتَانَ أَبَدَ الْأَبَدَ. Là, qu'est-ce qui est correct? C'est que les deux vont rester pour toujours. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des gens même, il y a des gens parmi les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, les Ahbash et les autres, ils accusent Ibn Taymiyyah de cette opinion-là. Ils accusent Ibn Taymiyyah de dire qu'il a cru que l'enfer va terminer un jour. Et ça, c'est non, Ibn Taymiyyah. Ben, en fait, ils disent ça à propos d'Ibn Taymiyyah. Mais d'après ce que j'ai lu dans d'autres explications, en fait, c'était une opinion qu'il avait mentionnée, mais il y a d'autres endroits où il mentionne clairement que ça s'est réfuté, que ça c'est pas quoi, que c'est pas la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est une erreur de sa part qu'il a dit ça. Il a dit ça, c'est une erreur. Et Ibn Taymiyyah et les autres ulama de Ahl al-Sunnah ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfois se tromper dans certains sujets. Et nous, on ne les suit pas aveuglément dans ce qu'ils enseignent et dans ce qu'ils disent. On suit ce qu'ils disent qui est basé sur la preuve. D'accord? Donc, le fait d'essayer de chercher des fautes dans les ulama de Ahl al-Sunnah pour les rabaisser ou pour les dénigrer, ça, c'est l'attitude des gens de Bid'a. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La position qui est correcte, et la position qui est vraie, c'est la position d'Ahl Sunnah, c'est la position qui a été expliquée par le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab dans sa Aqidah maintenant qu'on vient de lire. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer vont rester. Ils ne vont pas cesser, ils ne vont pas disparaître. D'accord? Ensuite, la preuve en fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne l'a peut-être pas mentionné, mais c'est-à-dire que comme il a dit tout à l'heure, on a mentionné verset 39 dans Sourate Ghafir qui dit que Al-Akhira c'est Dar al-Qarar. Dar al-Qarar, c'est-à-dire c'est la maison où la demeure où on reste. Et on ne va pas sortir, il n'y aura pas de changement, c'est stable, c'est fixe, c'est établi. Et en même temps, il y a des hadith, comme par exemple, il y a un hadith du prophète Hassan qui mentionne que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire venir la mort dans la forme d'un animal, comme un mouton, quelque chose comme ça, et puis il va l'égorger il va le faire égorger en plein milieu du paradis et de l'enfer. Et il va dire aux gens du paradis, ô les gens du paradis, plus de mort, hein, vous allez rester éternellement, il n'y a plus de mort. Et il va dire aux gens de l'enfer, ô les gens de l'enfer, c'est fini, il n'y a plus de, vous allez rester dans l'enfer, il n'y a plus de mort. Donc c'est pour ça que, ça c'est un exemple pour dire que les gens vont rester, par la suite ils vont vivre pour toujours. Ceux qui vont être dans l'enfer, ils vont souhaiter la mort, mais ils ne pourront pas. Hein? Donc c'est ça. Ensuite, le cheikh, il dit, وأن النبي صلى الله عليه وأن المؤمنين مثل الشيخ محمد بن الوهاب الزي وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ففي نوع أسباب العقيدة أهل السنة والجماعة que les croyants vont voir leur Seigneur avec leurs yeux au jour de la résurrection comme on peut voir la lune dans ce monde hein, lorsqu'il y a une pleine lune. Et on n'a aucune difficulté à la voir. Le fait qu'on est tous ensemble, il n'y en a pas un qui bloque la vue de l'autre. C'est-à-dire, tout le monde peut voir la lune facilement. Même s'il y a beaucoup de monde, même si tu es petit parmi des grands, il n'y a personne qui t'empêche de voir. Le cheikh, il dit, maintenant le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضا لأن الشيخ لا زال رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة في بزار بس كسماتين جفزي شرح السنة البربهاري في يونيتاريب دان لمهم سجي دونك ساكوينسيد يعني لشيخ الدي ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة ولا يجدون أطيب من رؤية الله رؤيتهم لله سبحانه وتعالى ولا ألذ من رؤيتهم لربهم عز وجل وقد جاء هذا في القرآن قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد والنظرة من النظرة وهي البهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة أي ناظرة بأبصارها إلى ربها عداها بإلى وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها جل وعلا لشيخ الدين que ça c'est une question parmi les questions de qu'est-ce qui a rapport avec le jour de la résurrection aussi. Que le cheikh donc, il les énumère toutes, une après l'autre. Et il dit ici que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection avec leurs yeux. Et ça c'est pour faire une honneur aux gens du paradis, dans le paradis. Ils vont rien trouver de plus beau et de meilleur que le fait de voir et de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas trouver de plaisir et de délice et de douceur meilleur que le fait de regarder leur Seigneur au jour de la résurrection. Et comme dans le dars de l'Aqida, l'imam al-Bardahari, il expliquait, le cheikh il dit, de la même manière que dans cette vie on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala sans voir Allah subhanahu wa ta'ala, on a cru en lui, malgré qu'on ne pouvait pas le voir, et bien au jour de la résurrection, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous permettre de le voir. Au jour de la résurrection, il va nous permettre de le voir. Tandis que les kuffars, eux, étant donné qu'ils ont refusé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, ils vont être privés de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Donc le cheikh, il explique ça, il dit qu'il y a des preuves de ça dans le Coran. parmi les preuves, il y a le verset 26 dans Sourate Yunus. Allah Ta'ala il dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. C'est-à-dire pour ceux qui ont fait le bien, ils auront le bien en récompense, et plus encore. Al-Husna, c'est le paradis. Donc, ils vont avoir le paradis. Waziyada, c'est-à-dire quelque chose de plus, un surplus. Et le surplus, c'est quoi? C'est le regard, c'est-à-dire de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim, selon Suhayb, radiallahu anhu. Le Cheikh, il dit ensuite, وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Le verset 35 dans sourate Qaf. C'est-à-dire, ils auront dans le paradis tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils souhaitent, ils vont l'avoir. Et auprès de nous, il y a quelque chose de plus. ولدينا مزيد. Et al-mazid ici, encore une fois, c'est le fait de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans tafsir al-Tabari et dans tafsir al-Qurtubi également. Le Cheikh dit ensuite, وَقَالَ تَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Le verset 22 et 23 dans sourate al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. Des visages, ce jour-là, seront نَاظِرَةٌ. Et نَاظِرَةٌ avec la lettre Bad, ça veut dire, ces gens-là auront des visages qui sont éclatants, hein, qui seront embellis et éclatants, c'est-à-dire des visages qui brillent. Et la Rabbiha Nazira, ils vont être en train de regarder leur Seigneur. Okay? Donc, ça c'est avec Azza, Nazira. Et Nazira, c'est-à-dire ils vont regarder avec les yeux, c'est ce que ça signifie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ila rabbiha, c'est-à-dire vers leur Seigneur, ils regardent leur Seigneur. Et quand on utilise le verbe nazara, ou le mot an-nazar, ou le verbe de regarder, an-nazar, avec ila, ça signifie le fait de regarder et de voir quelque chose. Idha uddiya bi ila, fa ma'nahu al-mu'ayana, c'est-à-dire le fait de regarder et de voir quelque chose. Parce que dans d'autres cas, ça peut vouloir dire d'autres choses. Mais quand c'est utilisé avec ila rabbiha nazira, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que ça. D'accord? Et ça réfute en même temps les mu'tazila qui prétendent que ça peut vouloir dire d'autres choses. Ou bien eux, ils ont des shubuhat, par exemple, ils vont dire ila na'im rabbiha nazira. Ils rajoutent un mot. Ila na'im rabbiha. Au lieu de dire ila rabbiha, ils disent ila na'im rabbiha. Au lieu de dire ils regardent leur Seigneur, ils disent ils regardent les délices de leur Seigneur. Mais ça, c'est bien entendu une déformation de la signification réelle de ce verset. Le Cheikh, il dit wa kadhalika qawluhu ta'ala fil kuffar. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي لا يرون الله يوم القيامة فدل على أن المؤمنين يرون الله يرون الله لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وإلا لم يكن هناك فرق ولو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Le Cheikh mentionne ici le verset 15 dans sourate Al-Mutaffifin. Dans ce verset-là, Allah Ta'ala mentionne au sujet des kuffar, non certes, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. Ils seront voilés, c'est-à-dire ils ne pourront pas regarder, ils ne pourront pas le voir parce que on va mettre un voile entre eux et Allah. Ils ne pourront pas voir Allah. Donc, ça c'est quelque chose de grave en fait. Donc on pense à ça. C'est pour ça que les chefs ils disaient justement, ils n'ont pas cru en Allah, donc ils vont pas pouvoir le voir parce qu'ils n'ont pas accepté de croire en lui. Tandis que les croyants dans cette vie, ils nous ont cru en lui sans le voir. Et donc, Allah va leur permettre de le voir à cause de ça. Et il n'y a pas de plus grand plaisir pour les gens du paradis, il n'y a pas de plus grand plaisir pour eux que de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh, il dit, يعني, لا يرون الله. Imaginez, subhanallah, imaginez un être humain aujourd'hui dans ce monde, s'il n'a pas connu son père, il veut tout faire pour le connaître. Hein? S'il est né, qu'il n'a pas connu son père, il veut tout faire pour le connaître et savoir qui il est. Hein? Alors que de celui qui ne connaît pas son créateur, hein? Il veut tout faire pour connaître son, il devrait tout faire pour connaître son créateur. Et s'il ne l'a jamais vu, il veut tout faire pour le voir. Hein? Et bien, ça c'est ce qui va arriver aux croyants dans ce monde, dans l'au-delà. Ils vont voir leur créateur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour le croyant que de pouvoir regarder celui qui l'a créé, celui qui l'a mis dans ce monde, hein, celui qui lui a donné toutes les belles choses et les choses qu'il a reçues de la part d'Allah parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des grandes choses. Et donc les koufars, eux, ils vont être privés de ça et ils vont être voilés, ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve que les croyants, eux, ne seront pas voilés de voir leur créateur. Et ça a été mentionné par l'imam al-Shafi'i rahimahullah dans l'i'tiqad de l'imam al-Bayhaqi. Hein? Parce que sinon, il n'y a pas de différence. Si les croyants étaient voilés aussi, il n'y aurait pas de différence entre les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas mentionné que les kuffars vont être voilés, hein, de voir Allah subhanahu wa ta'ala si il n'y avait pas une différence entre le croyant et le non-croyant au jour de la résurrection. Et il mentionne ce verset-là encore une fois, le verset 15 dans surat Al-Mutaffifin. أما الأحاديث فكثيرة جدا ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أي استقصى الأحاديث الواردة في الرؤيا وأنها بلغت حد التواتر أما المعتزلة وكذلك expliqué par la suite المعتزلة الشيخ يقول que les hadiths qui parlent de les hadiths qui parlent de la vue de Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et dans le paradis sont très très très nombreux, et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il les a mentionnés tous dans son livre qui s'appelle Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. C'est un livre qui parle du paradis, c'est un livre qui parle de tout ce qui a rapport avec le paradis, et c'est un très beau livre, Hadi al-Arwah ila bilad al-afrah. OK, et il a mentionné cette question de le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça dans ce livre. Et il a mentionné que ça atteint le degré de tawatur. At-tawatur, on a expliqué, ça veut dire qu'un hadith qui est tellement rapporté par un grand nombre de personnes que ça veut dire qu'il est yani aucun doute sur son authenticité. Et juste pour spécifier, comme j'ai expliqué ce matin, dans le dars de ce matin, j'ai expliqué que, peu importe, pour nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, peu importe que le hadith soit ahad ou mutawatir, du moment qu'il est authentique, on doit l'accepter. Et il nous donne la certitude et la connaissance. Parce que les mu'tazila, eux, ils ont amené cette shubha. Ils ont dit, nous on prend les hadiths, on prend seulement les hadiths qui sont mutawatir dans la croyance. Un hadith qui est ahad, c'est un hadith qui est apporté par une ou deux personnes. Hein? Eux, ils disent, nous on ne prend pas ces hadiths-là dans les questions qui ont rapport avec la aqidah et la croyance. On prend juste les hadiths qui sont mutawatir. Et ça, c'est une shubha qu'ils ont inventée pour justifier le fait qu'ils rejettent des aspects de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc souvent, vous allez voir les ulama de Ahlus Sunnah qui mentionnent les preuves que certains hadiths sont mutawatir, qu'ils sont rapportés par un grand nombre de personnes pour réfuter les mu'tazila en leur disant, regardez, vous ne croyez pas en ça, alors que, et vous prétendez que vous prenez les hadiths mutawatir, alors maintenant on vous donne la preuve que ces hadiths sont mutawatir. Donc, vous n'avez pas d'excuse, même selon vos faux principes, hein, les principes que vous suivez qui sont incorrects. Même selon ces principes-là, vous n'avez pas d'excuse de ne pas les accepter. Parce que c'est mutawatir. Mais pour nous, on dit, même si c'était pas mutawatir, même si c'est rapporté par un ou deux, on l'accepte du moment que c'est sahih, du moment que c'est authentique, et on l'accepte. Et on dit que ça sert à amener la conviction et la connaissance. OK? Même si c'est pas rapporté par une centaine de personnes. Et comme le cheikh expliquait justement, le cheikh Al-Fawzan expliquait dans son charf de Safarinia, l'aqida Safarinia, il disait, Allah, la plupart du temps, il envoie ses prophètes un par un. Hein? Et si tu disais à quelqu'un, si tu dis à quelqu'un, tu vas pas accepter un hadith qui est ahad, et bien les prophètes sont ahad quand ils viennent aux hommes, ils amènent le message d'Allah, ils sont tout seuls. Hein? Donc si tu dois remettre en question quand quelqu'un ramène quelque chose, il est tout seul, et que tu doutes de ce qu'il ramène parce qu'il est seul, alors dans ce cas-là, si tu appliques ça au messager, tu devrais rejeter même tout ce qui vient du prophète, mais ça c'est, bien entendu, c'est faux, Yann. Ou bien, comme je disais à un frère, Yann, ici, si quelqu'un, par exemple, il te vient et te dit, écoute, je viens de voir ton père, puis il m'a dit de te dire de rentrer parce qu'il veut que tu, par exemple, que tu tondes le gazon. Est-ce que tu vas me dire, ah non, t'es ahad, j'accepte pas ce que tu dis? Hein? Si tu sais que la personne est une personne fiable, et qu'elle est honnête, hein, et qu'elle ment pas, pourquoi tu vas rejeter ce qu'il te dit? Hein? Donc ça, c'est un exemple, hein. Alors, si c'est le cas par rapport aux paroles des êtres humains, alors que dire des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et sans oublier que les paroles des sahaba, les sahaba sont tous udoul. Les ulama disent que tous les sahaba sont udoul, c'est-à-dire sont tous fiables et honnêtes. Et on n'a pas d'excuse ou de droit de rejeter quoi que ce soit de ce qui vient des sahaba. Il y a des ulama qui, exactement. Barakallahu fik. Donc, comme le frère Mukhtar il mentionne, il y a des savants de hadith qui étaient tellement stricts dans la critique des narrateurs et dans la critique des hadiths que s'ils remarquaient dans le comportement d'un narrateur ou d'un rapporteur de hadith quelque chose qui était incorrect, même si c'était pas nécessairement contraire, c'est-à-dire, même si la personne faisait pas quelque chose de haram, mais si c'était quelque chose qui n'était pas vu comme étant quelque chose de bien dans une personne, selon la coutume, ou selon qu'est-ce qui est connu par rapport à les bonnes mœurs, etc., parfois il rejetait ses hadiths. Hein. Donc c'est pour ça. Donc, il mentionnait cet exemple de l'imam al-Albani, Cheikh al-Albani, qui disait que un des ulama qui avait vu un homme sur sa monture, puis il donnait une attitude de fierté, un peu d'arrogance peut-être, à cause de ça, il a refusé son hadith. Donc c'est des exemples, tu vois, c'est juste pour montrer à quel point les ulama de hadith, ils étaient très stricts. Hein. Ensuite, le cheikh, il dit, « Amma al-mu'tazila, wa man sara fi rikabihim » Il ne faut pas oublier que les mu'tazila, eux, ils n'étaient pas intéressés par l'étude du hadith. Et par la transmission ou l'étude des isnads et des chaînes de narrateurs et de transmission. Donc ils détestaient les muhadithines, ils détestaient les savants hadith, ils détestaient les ulama de la sunna. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient pour discuter avec des ulama de la sunna, eux, les mu'tazila, ils se basent sur la logique. Tandis que eux, les ulama de hadith, les ulama d'ahl sunna, ils se basent sur les narrations et les rapports des hadiths qu'ils ont reçus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont appris avec leur chuyot en étudiant en mémorisant les hadiths avec les chaînes de transmission. Alors quand les Mu'tazila venaient voir des ulama d'Ahl Sunnah, ils leur disaient des choses, les ulama d'Ahl Sunnah leur disaient, amène ton isnad, amène ta chaîne de transmission, qui t'a rapporté ça? Et eux, ils n'ont pas de chaîne de transmission parce qu'ils ont basé leur croyance sur la raison. Alors ils se mettaient toujours en colère contre les ulama d'Ahl Sunnah et ils les insultaient. Hein, ils leur donnaient des surnoms, des sobriquets pour les dénigrer. Hein. Et donc c'est ça la force de le sunna, c'est la chaîne de transmission et les rapports des hadiths. C'est ça qui a protégé l'islam. Donc le cheikh il dit « Amma al-mu'tazila wa man sara fi rikabihim, fa innahum » Tu peux fermer la fenêtre si tu veux. Ah ok. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤيا كعادتهم لأنهم لا يصدقون بالأحاديث وإنما يتبعون عقولهم وأفكارهم ويستدلون بالمتشابه من القرآن مثل قوله تعالى عن موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قالوا لن تراني هذا نفي للرؤيا فدل على أن الله لا يرى الرد والرد على هذا من وجهين الوجه الأول لو كانت الرؤيا غير جائزة لما سألها موسى لأن موسى نبي الله وكليم الله لا يمكن أن يسأل لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز فدل على أن رؤية الله جائزة ولكنه لن يراه في هذه الدنيا لأن المخلوقين لا يقوون على رؤية الله في هذه الدنيا ولهذا ضرب الله له المثل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يعني مغشيا عليه فدل على أن موسى لا يثيق رؤية الله في هذه الدنيا وكل مخلوق لا يثيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى Donc, le cheikh explique qu'en ce qui concerne les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans cette voie-là, parmi ceux qui ont suivi les Mu'tazila dans cette voie, il y a ce qu'on appelle les Asha'ira. Les Asha'ira, ils nient le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et au-dessus de son trône. Parce qu'ils disent qu'Allah n'est pas dans une direction ou dans un endroit. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si on attribue ou si on dit qu'Allah est dans une direction ou dans un endroit, ça implique qu'il a un corps. Et si on dit qu'Allah il a, si ça implique qu'il a un corps, donc ça veut dire qu'il est créé. Et si, ça, si on dit qu'il est créé, ça veut dire que c'est kufr de dire ça. Et donc il le nie. Hein? La même chose que quand ils parlent de la parole, ils disent, on ne peut pas dire qu'Allah il parle, parce que si on dit qu'Allah il parle, ça veut dire qu'il a une bouche, ou bien qu'il a une langue, ou bien qu'il a des cordes vocales, ou bien qu'il a des dents, ou des choses de, un palais, et des choses de ce genre. Et tout ça, ils le disent à propos d'Allah, et donc à cause de ça, ils le nient. Ils nient la parole à cause de ça. C'est des choubouhats que ces gens-là ont et qu'ils ramènent. Et nous, on dit, on affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé et on s'arrête à ce que Allah a mentionné dans la révélation et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna authentique et on ne dépasse pas ça. Et on ne rentre pas avec notre imagination pour essayer de deviner ou d'imaginer comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et on n'essaye pas non plus de dire le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut pas connaître le comment puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas donné, ne nous l'a pas expliqué. Donc on s'arrête à ce qui est mentionné et on ne dépasse pas cette limite. On ne dépasse pas cette limite. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'on allait le voir au jour de la résurrection, et il a dit qu'il est au-delà de son trône, et il a mentionné tout ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on allait voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on peut voir la lune, hein, dans ce, quand la lune est pleine et quand il n'y a pas de nuages, et bien la même chose, on doit affirmer tout ça, et sans faire de ressemblance, et sans faire de takif, et des choses de ce genre. Exact. Donc parmi ceux qui ont nié ça, il y a les Asha'ira, et il y a aussi les Ibadiyya, et il y a aussi il y a d'autres groupes d'égarements, parmi les, comme les Shia par exemple, qui ne croient pas en Ar-Ru'ya, et d'autres groupes aussi parmi les groupes de Bid'a. Et le Cheikh il dit que ça c'est leur habitude, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas aux hadiths des Mu'tazila. Ils ne suivent pas les hadiths. Et ils disent, si ce n'est pas mutawatir, on l'accepte pas. Et la réalité, c'est que même quand c'est mutawatir, il l'accepte pas. Parce que même le Coran, parfois, il l'accepte pas. La preuve, le fait qu'on va voir Allah dans l'Akhirah, c'est écrit dans le Coran. Et il l'accepte pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وُجُوهُ يَوْمَ إِذٍ نَاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ. Ça veut dire que c'est mentionné clairement dans le Coran. Sauf qu'il le déforme quand c'est contraire à leurs principes. Quand c'est contraire à leurs règles, à leurs principes rationnels soi-disant, ou à leurs principes philosophiques, ils le rejettent même si c'est dans le Coran. Donc comment ils vont accepter la Sunna? Hein? Donc c'est ça que le Cheikh explique ici, il se base uniquement sur leur, soi-disant, leur raison et leurs idées. Et il se base sur qu'est-ce qui est mutashabih dans le Coran. C'est-à-dire, ils vont prendre des versets qui sont équivoques, qui peuvent signifier plusieurs choses, et ils donnent l'exemple de Moussa alayhi salam, quand il est allé au rendez-vous de son Seigneur, comme c'est mentionné dans le verset 143 dans Sourate Al-A'raf, يعني الله سبحانه وتعالى dit, قال ربي أرني أنظر إليك. مويز الله مانشان ك مويز يديك أو مون سينيور il dit, oh mon Seigneur, montre-toi à moi, je veux te regarder, je veux te voir. Et Allah lui a répondu, tu ne vas pas me voir. Hein? Alors, eux, ils disent, les Mu'tazila, tu ne vas pas me voir, ça c'est la négation la négation de pouvoir voir Allah. C'est-à-dire, Allah nie qu'on pourra le voir. Et ça veut dire qu'on ne le verra pas. Et le cheikh explique, qu'on peut répondre à ça de deux façons. La première réponse, premièrement, c'est que le fait que Moussa alayhi salam a posé la question et a demandé de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la preuve que c'est permis de le voir. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas permis de demander cette question-là, Moussa ne l'aurait pas demandé, parce que c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas le droit de demander ce qui est haram. D'accord? Donc, il demande de voir Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit tu ne vas pas me voir, mais tu ne vas pas me voir dans cette vie, c'est ça ce que ça signifie le verset, tu ne vas pas me voir dans cette vie. Hein? Il a dit la yuqiruna, hein? Pourquoi tu ne vas pas le voir? Parce que les êtres humains, les créatures, ils ne peuvent pas voir Allah dans ce monde. Parce qu'ils ne sont pas faits assez forts pour pouvoir supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Et il mentionne la suite du verset, قَالَ رَبِّي, hein, il a dit, oh mon Seigneur, montre-moi, laisse-moi te voir, je veux te regarder, je veux te voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu ne vas pas me voir, mais regarde la montagne, et si elle reste en place, alors tu vas me voir. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne est devenue comme de la poussière, comme du sable, et des graines. Et à ce moment-là, Moïse est tombé sans connaissance. Oui, il a été foudroyé, il est tombé sans connaissance. Donc, ça prouve que l'être humain, et même Moïse et tous les autres êtres humains, ne sont pas capables de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Ok? Parce que l'être humain, il est faible. نعم الله أعلم نعم سيسا موسى موسى عليه السلام il a demandé de voir, de regarder Allah سبحانه وتعالى tandis que le Bani Israël eux نعم dans سورة البقرة ils disent on va pas وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Dit, on va pas croire à toi, on va pas croire à toi jusqu'à ce que on voit Allah ouvertement. Et à ce moment-là, ils ont été foudroyés. Hein, alors qu'ils étaient en train de regarder, ils ont été frappés par la foudre à ce moment-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés, il les a pardonné par la suite, il les a ressuscités par la suite, etc. etc. Donc, ça c'est dans Surat al-Baqarah. Ensuite, le cheikh il dit, mais même si on n'est pas capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, parce qu'on est trop faible, mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner plus de force et on va être capable de le voir dans le paradis. Al-Wajhu al-Thani, anna Allah jalla wa ala lam yaqul li Musa inni la ura, bal qala لن تراني يعني في هذه الدنيا ولن لا تقتضي البقاء النفي المطلق أو مطلقا وإنما تقتضي النفي المؤقت ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. Le cheikh, il mentionne cette règle dans la langue arabe maintenant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, je ne peux pas être vu. Il a dit, tu ne vas pas me voir dans cette dunya, c'est-à-dire dans cette dunya. Hein, parce que l'âme, en arabe, le mot l'âme, ça implique une négation, mais pas une négation absolue. C'est-à-dire que c'est une négation temporelle, temporaire. Comme c'est mentionné dans Al-Kafiyat al-Shafi'a, ça c'est une, qu'est-ce qu'on appelle Al-Fiyat ibn Malik, c'est un livre de grammaire arabe, hein, 1000 vers, et c'est un des livres les plus, disons les plus, un des plus approfondis dans les livres de langue arabe. Et, c'est un poème, c'est un livre de grammaire arabe très avancé en forme de vers. Non, les enfants, ils apprennent ça par cœur. Non. Donc, c'est ça. Non, c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini. T'as encore le temps, mashallah. Donc, le cheikh, il explique, il dit que dans Al-Kafiyat al-Shafi'a, c'est écrit, celui qui pense que l'âne, ça veut dire une négation, yani absolue pour toujours, par la suite, alors rejette cette parole-là et prend l'autre. C'est-à-dire que, il dit, فَلَنْ لِلْنَفِرَيْرِ الْمُؤَبَّدِ hein, ولهذا قال جل وعلا في اليهود ولن يتمنوه أبدا يعني الموت في الآخرة وفي الآخرة يتمنون الموت قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ففي يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوه فدل على أن لن لمطلق النفي لا تقتضي تأبيدا وإنما هو نفي مؤقت والله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا فليس لهم متمسك في الآية نعم donc le cheikh il explique que parmi les preuves qui montrent que le mot lan c'est pour une négation mais qui n'est pas pour toujours par la suite c'est que les juifs dans le verset 95 dans sourate al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des juifs hein, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم مؤمنين وإن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ça veut dire si vous pensez que l'au-delà va vous appartenir à vous en exclusion seulement vous par rapport à tout, en dehors de tous les autres êtres humains sur la terre que c'est vous seulement qui allez aller au paradis hein, en dehors de tous les autres. Alors dans ce cas-là, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Et ils ne vont jamais la souhaiter à cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux. Et donc, ça c'est la preuve que, ici dans ce verset-là, « وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ » وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ, ça veut dire ils vont pas le souhaiter. Et quand tu regardes dans l'autre verset, dans Surat Az-Zukhruf, le verset 77, Allah il dit, et ils vont appeler l'ange de l'enfer, Malik, celui qui est le gardien de l'enfer, yaqdi alayna rabbuk, pour que ton Seigneur en finisse avec nous, hein. Ils veulent que Allah les fasse mourir pour qu'ils cessent de sentir le châtiment et d'être châtiés dans l'enfer. Et, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas mourir dans l'enfer. Et, l'ange répond, qala innakum ma'kithun, vous allez rester là, hein. Donc, ça c'est la preuve qu'au jour de la résurrection, ils vont demander la mort, malgré que dans la dunya, Allah dit qu'ils ne vont jamais vouloir la mort. Donc, ça prouve que l'an, c'est pas pour dire, c'est pas pour toujours. Quand on nie quelque chose avec le mot l'an, c'est pas pour toujours, c'est temporaire. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il dit l'an tarani, tu ne vas pas me voir, ça veut pas dire que on va jamais le voir pour toujours, ça veut dire que on va pas le voir dans cette vie. C'est ça que ça veut dire. Après, le chef, il mentionne une autre shubha des Mu'tazila, de la part des Mu'tazila, c'est, الشبهة الثانية تمسك بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لا تدركه يعني لا تراه. والجواب أن يقال ليس معنى لا تدركه أنها لا تراه. ولكن معناه أنها لا تحيط به لا تحيط به والإدراك معناه الإحاطة والله لم يقل لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية ف فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله ولا يدركه كله. أنت مثلا فأنت مثلا ترى الشمس ولكن هل تدركها كلها؟ لا. فما كلما يرى يدرك كله. فالآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك، يعني وإن رأته فهي لا تدركه، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء، فلا يحاط به جل وعلا. فليس في الآية دليل على نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك فقط. Donc le cheikh il dit, comme deuxième choubha, il y a le verset 103 dans Surat Al-An'am qu'il mentionne et qui dit que les regards ne peuvent pas le cerner alors que lui, il cerne tous les regards. Et il se base sur ce verset-là pour dire que, yani, eux, ils pensent que le mot « la tudrikuhu », c'est-à-dire les regards ne peuvent pas le cerner, eux, ils pensent que ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. Le cheikh il répond, il dit non. C'est pas ça la signification de la tudrikuhu. La tudrikuhu, ça veut pas dire tu vas pas le voir, ça veut dire tu peux pas le cerner, tu peux pas le voir au complet, complètement. C'est ça que ça veut dire. Donc, al-idrak dans l'autre monde, tu peux pas le voir complètement. Même si tu vas pouvoir le voir, mais tu vas pas pouvoir le voir complètement et le cerner ou le voir en entier ou complètement. Donc le cheikh il dit les يعني c'est ça, l'idrak et al-ru'ya, c'est deux choses différentes. En fait, c'est ça son argument. Il dit comme par exemple le soleil. Tu vois le soleil, mais est-ce que tu vois tout le soleil? Non. Donc ça ne veut pas dire que tu vois pas tout, que tu vas pas le voir du tout. Donc c'est ça l'exemple que le cheikh donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Donc il n'y a rien qui peut le cerner. Et donc c'est ça ce que ça signifie ici. Le verset n'est pas une négation de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une négation plutôt de pouvoir le cerner avec notre regard. Après, le cheikh il explique l'autre partie de la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit فَقَوْلُهُ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ يَرَوْنَهُ بِقُلُوبِهِمْ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ قَدْ تَكُونُ قَلْبِيَّةَ وَقَدْ تَكُونُ بَصَرِيَّةَ فَهُمْ يَقُولُونَ يرونه بقلوبهم ولو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب أو بالأبصار؟ الجواب بالبصر. بالبصر. Donc le cheikh il dit ici qu'ils vont le voir Allah avec leurs yeux. Et ça, c'est pour répondre à ceux qui prétendent que c'est avec le cœur qu'ils vont le voir. Donc, la vision ici, il dit qu'une vision peut être avec les yeux et peut être avec le cœur. Et donc, eux, ils se basent là-dessus, puis ils disent, on va le voir avec notre cœur. Et le cheikh dit que si c'était avec le cœur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit qu'on va voir Allah comme on voit la lune quand c'est la pleine lune, ou comme on voit le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages. Donc, est-ce qu'on voit le soleil avec notre cœur ou avec nos yeux? La réponse, avec nos yeux. Et ça, c'est rapporté le hadith dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, et c'est également rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Ensuite, il y a une autre partie que le cheikh explique, c'est la partie où le cheikh il dit كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. C'est-à-dire, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on voit la lune quand il y a une pleine lune. Al-Badr, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire la pleine lune, ok? Donc, le cheikh il dit, كما يرون البدر عند تمامه ليلة الخامس عشر. La 15e nuit du mois, c'est la pleine lune. Et donc, le cheikh il dit, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on voit la lune quand elle est pleine, le 15e du mois lunaire. لِأَنَّ الْقَمَرْ يَتَكَامَلْ لَيْلَةَ الرَّابِعَ عَشَرْ وَالْخَامِسَ عَشَرْ وَلِهَذَا تُسَمَّى اللَّيَالِ الْإِبْدَارِ، يعني تكامل القمر. فأنت تراه واضحا، كل الناس يرونه ليلة البدر، واضحا كل أهل الأرض يرونه جليا والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم وقوله لا يضامون في رؤيته يعني كل يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهش أو دهس ولكنهم يرون ربهم من غير مضارة ولا زحام وهذا حتى في المخلوق وهذا حتى في المخلوق فالناس كلهم يرون القمر ويتزاحمون في رؤيته ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى Donc le chef explique, il dit que donc la lune, elle se complète durant la 14e nuit et la 15e nuit. Et on appelle ces nuits-là les nuits de Al-Ibdar, c'est-à-dire Al-Badriani. Donc la lune se complète et on la voit clairement. Et les gens peuvent voir la pleine lune facilement. Tous les gens sur la terre. Et le soleil, la même chose. On le voit tous les jours sans aucun doute. Le chef, il dit... Et donc, quand le cheikh dit « et on ne va pas être serré ou on n'aura pas aucune difficulté pour le voir », c'est-à-dire que tout le monde va le voir sans qu'il y ait de foule ou sans qu'il y ait de bousculade, sans qu'il y ait de difficulté, tout le monde va le voir sans danger, sans problème. Parce que vous savez tous qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui veut, comme par exemple, je ne sais pas moi si vous avez déjà vu une vedette ou dans un spectacle, tout le monde est en train d'essayer de monter sur les épaules des autres pour regarder plus loin, pour voir ce qui se passe en avant. Et ça c'est... non. Donc ça c'est qu'est-ce qui se passe dans cette dunya pour voir les gens. Mais la lune, personne a des problèmes pour voir la lune. Hein? Eh bien, c'est ça que... donc c'est ça, mais non, pour le frère, on dirait que ça le marque. Mais peut-être c'est ça qui arrive quand ces gens-là ils vont voir un homme, je sais pas moi, une vedette ou quelqu'un qui est très connu. Tout le monde veut le voir, puis il y a trop de monde des fois. Et si toi t'es petit et les autres sont grands, alors là tu vois rien. Et là tu montes sur la pointe de tes pieds ou bien tu sautes pour essayer de voir, tu veux pas. Ah ok, non. Bon alors. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection? On va pas avoir des problèmes comme ça pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tout le monde va pouvoir le voir. Il y aura pas de privilège pour les gens qui sont très très grands de taille. Eux, ils dépassent tout le monde. Eux, ils peuvent voir facilement. Non, il y a pas de difficulté ce jour-là. Que tu sois petit ou que tu sois grand, tout le monde va voir Allah subhanahu wa ta'ala et il y aura pas de difficulté pour personne. D'accord, parmi les croyants. Et donc c'est ça. Moi quand je pense à ces choses-là, je me rappelle, yani dans certaines aspects de la jahiliya. Non mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a toujours le backstage, tout le monde veut rentrer après le spectacle. Hein, tout le monde veut avoir le privilège d'avoir le backstage pass, comme on dit, la passe pour rentrer en arrière, VIP. Hein. Eh ben, le paradis, c'est pour, si tu veux rentrer, la passe pour rentrer, c'est les bonnes œuvres, hein, et l'iman, la bonne foi, la aqida, et les bonnes œuvres. Si t'as ça, tu rentres. Et il y a personne qui peut il y a pas quelqu'un que t'as pas besoin d'une connexion, quelqu'un qui va te faire rentrer, c'est juste les bonnes œuvres et ta foi qui va te faire rentrer. Hein, quelqu'un ne peut pas te faire un spécial. Nassalallah al-Afiyah, que Allah nous fasse notre paradis et qu'il nous protège de l'enfer. Ça, c'est le grand succès, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Wadhalika al-fawz al-azim. Ça, c'est le grand succès. Wallahi, si tu rentres au paradis, ça y est. Hein? Donc, le cheikh, il dit ensuite donc, que tout le monde va pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait de bousculade, de foule ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est clair, alhamdoulilah. Donc ensuite le chef il parle d'un autre sujet, puis je pense que nous on va s'arrêter ici aujourd'hui. puis on va garder la suite pour demain, parce que si on commence ici, probablement qu'on n'aura pas le temps de compléter. Mais c'est un sujet intéressant, ça parle de la foi en le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. D'accord? Ça, on va expliquer ça demain, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes à mentionner à ce sujet-là. وإياكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم